50 languages. 14. 14. 14. الألوان. Couleur. Couleur. الثلج أبيض. La neige est blanche. La neige est blanche. الشمس صفراء. Le soleil est jaune. Le soleil est jaune. البرتقالة برتقالية. L'orange est orange. L'orange est orange. الكرزة حمراء. La cerise est rouge. La cerise est rouge. السماء زرقاء. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. العشب أخضر. L'herbe est verte. L'herbe est verte. التربة بنية. La terre est brune. La terre est brune. السحابة رمادية. Le nuage est gris. Le nuage est gris. إطارات العجلات سوداء. Les pneus sont noirs. Les pneus sont noirs. ما لون الثلج؟ أبيض. Quelle est la couleur de la neige? Blanche. Quelle est la couleur de la neige? Blanche. ما لون الشمس؟ أصفر. Quelle est la couleur du soleil? Jaune. Quelle est la couleur du soleil? Jaune. ما لون البرتقالة؟ برتقالية. Quelle est la couleur d'une orange? Orange. Quelle est la couleur de l'orange? Orange. ما لون الكرز؟ أحمر. Quelle est la couleur d'une cerise? Rouge. Quelle est la couleur de la cerise? Rouge. ما لون السماء؟ أزرق. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. ما لون العشب؟ أخضر. Quelle est la couleur de l'herbe? Vert. Quelle est la couleur de l'herbe? Vert. ما لون التربة؟ بنية. Quelle est la couleur de la terre? Brune. Quelle est la couleur de la terre? Brune. ما لون السحابة؟ رمادي. Quelle est la couleur du nuage? Gris. Quelle est la couleur du nuage? Gris. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Quelle est la couleur des pneus? Noir. Quelle est la couleur des pneus? Noir. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.